بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va continuer là où on était rendu la semaine passée. Donc le cheikh il disait: وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم حينما يدعون أو يدعون إلى التحاكم إلى شرع الله يأبون ويعرضون. فقال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كما أخبر أنهم يرون الفساد صلاحا لانتكاس فطرهم وفساد قلوبهم. فقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالتحاكم إلى غير الله من أعمال المنافقين وهو من أعظم الفساد في الأرض. Donc le chef il commence et il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le fait de se détourner du verdict ou de la sentence d'Allah. Il a expliqué que de se détourner de ça, ça fait partie des caractéristiques des gens qui sont hypocrites. C'est quoi al-munafiqun? En arabe on dit al-munafiqun, c'est-à-dire les hypocrites. Et qu'est-ce que ça signifie al-munafiqun? Ça signifie des gens qui disent on croit en Dieu, on croit en l'islam avec leur bouche, mais au fond de leur cœur ils n'y croient pas, ils ne croient pas en l'islam. Donc ça c'est une catégorie qu'on appelle en arabe al-munafiqun. À la Mecque, au début de l'islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher l'islam, à la Mecque il y avait seulement deux groupes. Il y avait al-mu'minun, c'est-à-dire les croyants, et il y avait al-kuffar, c'est-à-dire les non-croyants, ceux qui détestaient l'islam et qui l'attaquaient ouvertement. Mais lorsque les musulmans ont fait al-hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-hijra, il est allé à al-Madina al-Munawwara, alors là les musulmans ont commencé à être plus en nombre, plus nombreux, et avoir un certain pouvoir. Alors à ce moment-là, les non-croyants ou certaines personnes qui n'avaient pas la foi avaient accepté l'islam. Ils avaient prétendu croire en l'islam, et puis étant donné qu'ils n'étaient pas capables de dire ouvertement qu'ils étaient contre l'islam, alors ils faisaient semblant d'être musulmans, et puis ils cachaient leur non-croyance. Alors c'est à ce moment-là qu'est apparue une troisième catégorie. C'était la catégorie de qu'on appelle al-munafiqun. D'accord? Alors Allah subhanahu wa ta'ala il est décrit dans plusieurs versets dans le Coran. Par exemple dans ce verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et lorsqu'on leur dit venez vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et vers les messagers, tu vois les hypocrites qui s'éloignent, qui se détournent de toi. Donc ça c'est un exemple dans sourate An-Nisa que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit l'attitude des hypocrites vis-à-vis la sentence d'Allah ou vis-à-vis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Lorsque un verset est révélé, alors tu dis à certaines personnes qui se disent musulmans, voici ce que Allah subhanahu wa ta'ala et voici ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont dit à tel sujet dans l'islam. Et là tu les vois et puis ils se détournent. Ils essaient de s'enfuir, ils essaient de renier, ils essaient de se faufiler, ils essaient de s'éloigner de cette chose-là. Alors en réalité, c'est un signe qu'ils ont une des caractéristiques de l'hypocrisie, c'est-à-dire l'unifaq. C'est pour ça. Et donc après, le chef il mentionne une autre chose, il dit « كَمَا أَخْبَرَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْفَسَادَ صَلَاحًا » Il voit ce qui est mal, il le considère comme étant quelque chose de bon, normal et quelque chose de bien. Et qu'est-ce qui est bien, ils le voient comme étant quelque chose de mal parce que leur nature a été déformée, leur cœur a été corrompu par toutes sortes de péchés. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement dans le Coran, la sourate al-Baqara, au début de la sourate il dit: et lorsque on dit à ces gens-là ne faites pas de désordre sur la terre, ils disent nous on est seulement des réformateurs, c'est-à-dire, on vient pour faire du bien. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. On vient seulement pour corriger ce qui a été fait de mal. On vient pour rappeler le bien, de ramener les gens au bien. Et Allah, il répond et il dit: Ala innahum humul mufsidun. L'enfer, ce sont eux les gens qui font le désordre. Walakin la yash'urun. Mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire, ils ne sont pas conscients du désordre qu'ils font. Ils pensent que qu'est-ce qu'ils font de mal, c'est du bien. Alors le cheikh il dit, donc de juger selon autre que la loi d'Allah, fait partie des actes des hypocrites. Et ça fait partie des plus grandes formes de désordre sur la terre, ou de corruption qu'on peut faire sur la terre. Et après, il cite une parole de l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, et il dit, قال الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى طاعة غير الله بعد إصلاح الله لها ببعثة الرسل وببيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمره فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض ولا صلاح لها ولأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتصنيف عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. Donc, pour expliquer qu'est-ce que le chef Ibn Qayyim dit, en fait, il fait une explication, il essaie d'expliquer qu'est-ce que signifie le dernier verset qu'on a mentionné. Et il dit que la plupart des ulama du tafsir, al-mufassirun, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que quand Allah dit de ne pas faire le désordre sur la terre, c'est-à-dire de ne pas faire du désordre en faisant des péchés, ou en appelant les gens à obéir autre que Allah subhanahu wa ta'ala, après que Allah ait réformé la terre. C'est-à-dire après qu'il ait envoyé les messagers et qu'il ait clarifié la charia et qu'il ait appelé à l'obéissance d'Allah. Parce qu'il dit que le fait d'adorer autre que Allah et d'appeler les gens à autre que son adoration et d'appeler les gens à l'idolâtrie, à la shirk, ça fait partie des plus grandes formes de désordre qui existent sur la terre. Parce que il y en a une plus grande forme de bal fatad al ard fil haqiqa innama huwa bil shirk. Il dit là, en réalité, en vérité et la réalité en fait, c'est que yani, c'est seulement le shirk en fait qui est à la base de tout, et le fait de faire le shirk ou l'idolâtrie et le fait de désobéir aux ordres du messager, c'est de là que viennent toutes les autres formes de corruption sur la terre. Après il dit, après il se répète, il dit فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض. Il répète encore que c'est la plus grande forme de désordre. Et c'est quoi? C'est le fait d'appeler autre que Allah et d'établir un Dieu ou quelque chose qui est adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre autre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, d'une façon aveugle. Dans qu'est-ce qui est contraire avec qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, eh bien il dit que ça c'est la plus grande forme de désordre. Après il dit, il n'y a pas de réforme possible pour la terre, pour les gens sur terre et pour les gens en général, sauf en suivant Allah subhanahu wa ta'ala et en l'adorant lui seul et en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'il veut expliquer. Après, il dit, Walaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il dit, on doit suivre le messager et personne d'autre que lui et toute autre personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son obéissance est seulement obligatoire si ce qu'il ordonne est en accord avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si il ordonne de faire un péché ou de faire quelque chose qui est contraire à la sharia, alors on ne doit pas ni l'écouter ni l'obéir. Et donc c'est ça. Alors tout le désordre, tout le mal, toutes les épreuves, le fait que les ennemis ont le dessus sur les croyants, tout ça, ça vient du fait qu'on a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a appelé à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh dit وَقَدْ سَمَّ اللَّهُ كُلَّ حُكْمٍ يُخَالِفُ حُكْمِهِ أَوْ يُخَالِفُ حُكْمَهُ بِأَنَّهُ حُكْمٌ جَاهِلِيَّةٌ قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé dans le Coran toute loi ou tout jugement qui est contraire à son jugement, il l'a nommé comme étant un jugement d'ignorance. حكم الجاهلية dans le Coran. Comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit أفحكم الجاهلية يبغون. Est-ce que c'est le jugement de l'ignorance qu'il cherche? Et après Allah il dit, et qui d'autre est meilleur en jugement pour un peuple croyant que Allah subhanahu wa ta'ala? Donc personne n'est meilleur que Allah subhanahu wa ta'ala en jugement. Et si on est croyant, ça c'est clair. Bien entendu, si on n'est pas croyant, alors là, bien entendu, les balances, les critères de jugement vont changer. Et puis une personne qui n'est pas croyante, eh bien, elle va voir que peut-être que qu'est-ce qui est mal c'est bien et qu'est-ce qui est bien c'est mal. Alors elle va commencer à mélanger entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste. Et elle va considérer que un jugement autre que Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur à cause de son manque de foi ou à cause de son manque de compréhension ou de connaissance. Mais une personne qui a compris, yani, que ce qui vient d'Allah, ça ne peut pas être autre chose que le meilleur. Alors cette personne-là, c'est clair qu'elle va se soumettre, elle va comprendre que c'est la meilleure des choses. Et puis le chef ensuite, il mentionne l'explication de ce verset dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit « قال Ibn Kathir, rahimahullah, ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهلات والضلالات وكما تحكم به التفار من السياسات المأخوذة عن جن كفخان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل أو كثير انتهى كلامه رحمه الله. Donc la citation de l'imam Ibn Kathir dans, je pense que ça c'était tiré de Al-Bidayah wa-Nihaya, ça vient pas de son tafsir, ça vient de son livre Al-Bidayah wa-Nihaya. Ça parle de ce livre qui parle de l'histoire de l'islam, yani de l'empire islamique et tout ça. Donc le cheikh Ibn Kathir, il explique et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il critique et il rejette, et il condamne ceux qui sont sortis de sa loi ou de son jugement. Un jugement qui contient tout ce qui est bon et qui interdit tout ce qui est mauvais. Et il avertit ou il prévient que toute personne qui s'éloigne de cette loi ou qui se détourne de cette loi et qui va vers autre chose, comme par exemple les opinions et les passions, et les choses qui ont été ordonnées par les êtres humains, sans se référer à la charia d'Allah, à la loi d'Allah, comme c'est le cas des gens de Jahiliyyah, c'est-à-dire les gens qui, avant l'islam, les gens avant l'islam, comme par exemple les Arabes, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils se référaient à leur tradition, à leur coutume pour juger entre les différents et entre leurs conflits. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a traités d'ignorance, d'ignorants, et il a traité leur façon de juger comme étant une façon d'ignorance. Et donc le cheikh il dit que ceux qui, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, que ceux qui s'éloignent de la charia pour suivre ces choses-là, et bien eux aussi entrent dans ce jugement-là. Et là il mentionne par exemple Ahlul Jahiliyyah, les gens qui étaient là avant l'islam, mais il mentionne aussi les jugements des Tatars. Les Tatars, c'était un peuple qui vient de la Mongolie, à une époque, c'était, je ne me souviens plus exactement à quel siècle, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ce peuple-là, quand ils ont envahi complètement l'Empire islamique à cette époque-là, puis ils ont carrément détruit tout ce qui passait sur leur passage, tout ce qui se trouvait sur leur passage, ils l'ont écrasé puis détruit complètement. Tatar, ils viennent de la Mongolie. Genghis Khan, c'est de lui qu'on parle maintenant. Et là, le chef il dit que ces gens-là, ils avaient une sorte de politique qu'ils avaient établie et qu'ils avaient tiré de justement leur dirigeant, leur chef qui s'appelait Genghis Khan. Et cette loi-là qu'ils avaient, qu'ils suivaient, c'était un livre qu'ils appelaient Al-Yasir. Et le chef il explique que c'était un livre qui avait des lois tirées de différentes législations parmi les lois juives, les lois chrétiennes, et puis des lois de certaines tendances islamiques comme certaines sectes par exemple. Et puis, il y avait même des règles là-dedans qui avaient été tirées seulement uniquement de ses opinions personnelles et de ses passions. Alors, ses enfants par la suite ont pris ces lois-là et c'était devenu pour eux comme une sorte de législation qu'ils suivaient et qu'ils plaçaient parce qu'ils plaçaient ces lois-là devant le Coran et la Sunna. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après que les Tatars ont envahi et conquéri beaucoup de pays musulmans à cette époque-là, c'est que après un certain temps, ils se sont convertis à l'islam. Okay, ils ont accepté l'islam. Et ils ont commencé à pratiquer l'islam. Le problème, c'est que ils ont pratiqué l'islam, excepté que ils avaient gardé plein d'autres traditions qu'ils continuaient à suivre et ils appliquaient ces lois, par exemple, les lois de Genghis Khan, malgré qu'ils se disaient musulmans. Alors, le fait de faire ça, c'est-à-dire le fait de dire qu'ils s'étaient convertis à l'islam, mais qu'ils continuaient à suivre leurs lois précédentes qui étaient contraires à la révélation d'Allah, et le fait de dire qu'ils étaient musulmans tout en suivant ces choses-là, qui sont contraires à l'islam, et bien, et surtout le fait de les mettre au-dessus de la parole d'Allah et de son prophète, alors il dit que celui qui a fait ça, en fait, il est un non-croyant, c'est-à-dire il n'est plus musulman. Et il dit que à cette époque-là, c'était obligatoire de les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent au verdict d'Allah et de son messager. Parce que c'était des gens qui faisaient beaucoup de conflits sur la terre à cette époque. Et le cheikh il dit, et ils doivent revenir au jugement, au verdict d'Allah et de son messager. Et il ne doit juger par nulle autre chose que ça, que ce soit dans des petites choses ou dans des grandes choses. Et ça, c'est comme ça que la citation du chef se termine. Et après, il dit le chef, وَمِثْلُ الْقَانُونَ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ التَّتَارِ حُكْمُ وحكم بكفر من جعله بديلا من الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول هي مصادر الأحكام وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلا فيما يسمونه بالأحوال الشخصية. Donc le chef il dit exactement la même chose qu'on peut dire au sujet des Tatars et du fait qu'ils ont sorti de l'islam. Et bien la même chose peut être dite aujourd'hui à propos des pays qui ont accepté les lois faites par les êtres humains et qui ont remplacé ces lois-là par qui ont remplacé la charia islamique par ces lois-là qui ont été fabriquées par des hommes et qui sont dans beaucoup de pays aujourd'hui, les fondements des lois de la législation dans ces pays-là. Et ils ont complètement abrogé la charia, ils ont annulé la charia islamique, et ils ont remplacé la charia par ces lois qui ont été fabriquées par les hommes, excepté dans, qu'est-ce que les chefs disent, excepté dans les codes du statut personnel. C'est seulement ça qu'ils ont gardé. Le reste, il s'est remplacé par des lois faites par les hommes. Et même dans les statuts, des codes de statut personnel, dans certains pays musulmans, beaucoup de choses qui sont dans l'islam ou qui font partie de l'islam ont été rejetées, et beaucoup de choses qui sont interdites dans l'islam ont été permises dans ces règles-là. On en a mentionné beaucoup, comme par exemple la polygamie, l'héritage et tout ça, ces choses-là, on en a parlé. Ils ont rejeté certaines choses qui font partie de l'islam et ils ont accepté certaines choses qui sont contraires à l'islam. Donc même dans ces cas-là, ils ont même pas appliqué aussi, même le chef, qu'est-ce qu'il a mis comme exception là au sujet de l'ahwal shakhsiyya, et même ces lois-là, elles ont pas été toutes en accord avec la charia. Donc le chef il dit, qu'est-ce qu'on peut dire des Tatars et du fait qu'ils sont sortis de l'islam en faisant ça? Eh bien le chef il dit que ça peut être dit de ceux qui font la même chose avec les lois actuelles qui sont contraires à l'islam. Et après le chef il dit, والدليل على كفر من فعل ذلك آيات كثيرة قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Donc le chef il dit, comme preuve que ces gens-là ont été des non-croyants ou des mécréants et qu'ils ont quitté la foi, il y a beaucoup de versets dans le Coran. Et parmi ces versets, le verset que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé, alors voilà, celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé, voilà qui sont les non-croyants ou al-kafirun. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris, c'est-à-dire toi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme un juge dans leur conflit, ou qu'est-ce qu'ils ont de conflit entre eux. Donc, c'est-à-dire que celui qui n'a pas pris, qu'est-ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme juge entre les conflits entre les gens, eh bien, c'est comme s'il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah a dit, لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Donc, tant qu'on n'a pas pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un juge dans nos problèmes, dans nos conflits, dans nos désaccords, alors on n'a pas encore cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça en jurant par lui-même, en jurant sur sa personne. Parce qu'il dit, فَلَا وَرَبِّكَ. C'est-à-dire, non, par ton Seigneur. C'est-à-dire, il jure par lui-même. C'est pour montrer que la chose est très importante. Après, il a mentionné un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Il dit, est-ce que vous croyez en une partie du livre alors que vous rejetez l'autre partie? Il dit, la récompense de ceux qui font ce genre de choses parmi vous, eh bien, c'est l'humiliation dans cette vie présente. Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur des châtiments. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas indifférent de ce que vous faites. Donc, ça veut dire que, yani, Allah, il critique et il blâme ceux qui disent, on croit en une partie du livre et on ne croit pas à l'autre. C'est comme, par exemple, certains musulmans, ils acceptent de croire seulement en ce qui fait leur affaire dans l'islam. Ils disent, ah oui, ça on croit en, par exemple, on croit en ça, mais quand ça concerne d'autres choses sur lesquelles ça ne fait pas leur affaire, là, ils disent, ah mais je ne crois pas en ça. Et souvent, des non-musulmans, ils posent des questions à certains musulmans, on dirait qu'ils essaient de les tester justement pour voir est-ce qu'ils croient vraiment en tout ce que leur religion enseigne ou non. Alors ils disent, toi, tu es musulman, et là, si tu réponds oui, affirme que tu es musulman, là, ils vont dire, mais toi, est-ce que tu es d'accord avec telle ou telle chose? Et puis, là, ils s'attendent à ce que tu leur dises non. Parce que pour eux, c'est normal de croire en une religion et de rejeter certaines choses de la religion. Comme par exemple, tu peux trouver des catholiques qui vont dire, par exemple, oui, moi je suis catholique, mais je ne crois pas au pape. Oui, moi je suis catholique, mais je ne crois pas en, par exemple, la communion. Ou moi je suis catholique, mais je ne crois pas en telle chose. Alors que ce sont les fondements de leur croyance. C'est-à-dire, dans le dogme catholique, si quelqu'un refuse de croire en l'autorité de l'Église catholique ou du pape, eh bien, il est reconnu comme quelqu'un qui n'est pas catholique, il est excommunié, il est en dehors de l'Église catholique. Mais, oui, il revient protestant, mais eux, ils croient que c'est correct de faire ce genre de contradiction. Alors, ils s'imaginent que, pour nous, les musulmans, c'est pareil. Et malheureusement, ça arrive souvent. Parce que tu vas parler à certains musulmans, ils parlent à certains musulmans, ils disent, toi, est-ce que tu es d'accord, par exemple, avec telle chose dans l'islam que les femmes doivent se voiler? Et là, il va dire, ah non, tu vois, dans la religion, oui, mais personnellement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein? Comment quelqu'un peut dire, je suis musulman, je crois en l'islam, mais personnellement, je suis pas d'accord avec ça? C'est comme si il a deux personnes, un côté qui dit, oui, c'est la religion, qu'il y croit, puis l'autre côté, personnellement, ça veut dire qu'il se sépare de lui-même, puis il essaie de dire qu'il est contre l'islam d'un côté, puis il est en accord de l'islam de l'autre côté. Alors c'est comme si en réalité, il dit qu'il croit en une partie du livre et il rejette l'autre partie. Ou comme par exemple beaucoup d'autres choses, par exemple, êtes-vous d'accord avec le fait que dans l'islam, la femme est la moitié de l'héritage de l'homme? Et là, d'autres vont dire, ah non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ou bien d'autres vont dire, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord que dans l'islam, je ne sais pas moi, tu dois faire telle ou telle chose? Ouais. Toujours à ce sujet-là, pour les concernants, alors ils essaient toujours de mettre les croyants dans une position de difficulté, hein, pour essayer de les mettre dans une situation pour voir est-ce qu'ils vont répondre à l'affirmative ou non. Eh bien, quand ça arrive, quand des choses comme ça se produisent, il ne faut pas être gêné de répondre à l'affirmative et de dire la vérité. Parce que, étant donné que ces gens, souvent les gens s'attendent à ce qu'on nie ou à ce qu'on réponde par une négation, lorsqu'on répond à l'affirmative, souvent ils ne savent pas, ils ne savent plus comment réagir par la suite. Et parce qu'ils sont tellement surpris et étonnés, et en même temps, ça nous ouvre une possibilité de leur expliquer les sagesses qui sont derrière ces choses-là. Parce que c'est ça qu'on leur explique jamais. On leur dit toujours ça, par exemple, oh, dans l'islam, si quelqu'un vole, on lui coupe la main. Si quelqu'un fait l'adultère, on le lapide. Si une femme, par exemple, fait telle chose, alors ils entendent toutes sortes de choses négatives dans les médias, dans la télé, dans les journaux, et puis on leur lance des choses comme ça, et moi-même à l'école, je me souviens, on nous répétait toujours ça à l'école, quand j'étais pas musulman, alors on nous explique jamais les sagesses qui sont derrière ça, on nous explique jamais non plus les raisons, puis les règles, les conditions, etc. Donc, ça nous ouvre une porte pour clarifier, pour expliquer et pour montrer à ces gens-là que il y a des sagesses derrière ça, et puis que il y a des bonnes raisons derrière toutes ces choses-là. Et puis, Inch'Allah, si ce sont des gens sincères et honnêtes, souvent ils vont rien dire, ou bien soit qu'ils vont admettre quand même qu'il y a du bon là-dedans, même s'ils n'y croient pas encore, Inch'Allah. Alors, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas se placer dans une position où, comme si on a le choix dans l'islam, de croire en ce qu'on veut ou de rejeter ce qu'on veut. Parce que ça devient une idée de plus en plus populaire chez les musulmans qui sont éduqués et croient qu'ils sont arrivés à une position qu'ils ont le droit de choisir ce qu'ils aiment dans l'islam et de rejeter ce qu'ils n'aiment pas. Et ils pensent que c'est ça faire l'ijtihad, comme on en a parlé la dernière fois. Ils pensent que faire l'ijtihad, c'est ça. C'est-à-dire que tu as le droit de croire en ce que tu veux et de rejeter ce qui te plaît pas. Et en réalité, ça s'appelle comment? Dans l'islam, ça s'appelle suivre ses passions. Tu suis ses passions. Et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de suivre nos passions et nos désirs. Et de nous soumettre à au verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après le cheikh, il continue et il dit, on va juste terminer ça. Après, tu pourras poser la question, inshallah. Après, le cheikh dit, وَكَمَا قُلْنَا قَرِيبًا إِنَّهُ يَجِبُ تَحْكِيمُ الشَّرِيعَةِ عَقِيدَةً وَدِينًا يُدَانُ اللَّهُ بِهِ لَا مِنْ أَجْلِ طَلَبِ الْعَدَالَةِ فَقَطْ. Donc, il dit, comme on a dit plus tôt, on doit appliquer la charia d'Allah par conviction et par religion. C'est-à-dire d'une façon dans laquelle on adore Allah de cette façon, et pas uniquement pour chercher à établir la justice. Comme certaines personnes, ils croient que le seul but dans le fait d'appliquer la charia, c'est uniquement d'établir la justice. Et ils oublient le côté qui a de spirituel dans ça, le côté qui a rapport avec le fait qu'on se soumet à Allah et qu'on l'adore de cette façon, en croyant à ces choses-là et en adorant Allah en se soumettant à ses règles. Après le cheikh dit هذا ولا بد للعبد من قبول حكم الله سواء كان له ام عليه سواء وافق هواه ام لا. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Donc le cheikh dit, le croyant, le serviteur d'Allah n'a pas le choix d'accepter le verdict ou la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pour lui ou contre lui. C'est ça que je disais au début, mais j'avais sauté une page. Après, le cheikh il dit, et peu importe que ce soit en accord avec ses désirs ou que ce soit contre ses désirs. Parfois, par exemple, un musulman il va faire un péché. Il fait quelque chose qui est haram dans l'islam. Alors, au lieu de dire, oui, ce que je fais, c'est haram, et je demande à Allah de m'aider à abandonner cette chose, et à faire tawba, à me repentir, au lieu de dire ça, il essaie de se permettre la chose, ou il essaie de dire, de se le rendre halal pour lui-même, par orgueil des fois, par fierté. Par exemple, il va dire, oui, tu lui dis, pourquoi tu fais ça? C'est haram. Ou pourquoi tu fais pas telle chose? Et bien là, il essaie de chercher un moyen pour dire, non, c'est pas vraiment haram, on peut le faire. Ou bien il dit, ouais, c'est makrouf. Des fois, il sait même pas qu'est-ce que c'est la signification de makrouf, mais il répète ça comme ça. Ou bien il va uniquement essayer de dire, par exemple, on ne fait pas obligatoire, on peut le faire si on veut, si on ne veut pas, on ne le fait pas, des choses comme ça. Donc, c'est important d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala quand on parle de sa religion, et pas essayer de se satisfaire soi-même en inventant des choses ou en suivant nos désirs. Et la preuve de ça, il a mentionné plusieurs versets, comme les versets qu'on a mentionnés tout à l'heure. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris comme juge entre eux dans ce qu'ils ont de dispute, et qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune difficulté ou insatisfaction de ce que tu as décidé, et qu'ils s'y soumettent en pleine soumission. Et dans un autre verset, Allah il dit, et il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils aient encore un choix dans leur décision. فَلَا وَمَا كَانِ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Et ça, c'est un verset beaucoup de musulmans ignorent. Ou bien, des fois, ils n'ignorent pas, mais ils l'oublient, et ils oublient de penser, de réfléchir à sa signification. Parce que Allah, clairement, dans ce verset-là, il dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Ça veut dire, beaucoup de fois, on parle à un musulman, on lui dit, ya akhi, tu dois pas penser de cette façon, tu dois penser de telle façon. Pourquoi? Parce que Allah a dit, voici telle chose, et le prophète Rasim a dit telle chose. Donc, qu'est-ce que tu dis, c'est pas correct. Et la personne répond parfois, oui, le prophète a dit ça, mais moi je pense autrement. Hein? Donc c'est comme si, en fait, en réalité, il met son opinion personnelle devant ce qui vient de Dieu, devant ce qui vient de Dieu et devant ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran, dans surat al-Hujurat, ya ayyuha alladhina amanu, لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. Donc c'est ça l'ayat, comme par exemple, ô les croyants, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du messager, et la tajharu lahu bil qawl, et ne lui parlez pas à haute voix comme vous parlez entre vous, pour pas que vos actions soient annulées alors que vous n'en êtes pas conscient. Alors sans vous en rendre compte, vous parlez au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une voix trop élevée, et puis vos actions sont annulées à cause de ça. Donc ça, c'est un verset qui nous enseigne comment on doit agir, notre respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sûr que ça s'appliquait durant sa vie, mais aussi après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de sa charia, sa loi, ses règles, ses paroles. Si par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'élevez pas vos voix par-dessus la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire aussi, comme les ulama ont dit dans le tafsir, non plus, vous n'avez pas le droit de vous mettre vos opinions personnelles ou vos idées ou vos pensées au-dessus de ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses hadiths et dans le Coran, qu'est-ce qui vient d'Allah, qu'est-ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on doit avoir un certain respect et une humilité aussi. Et, yani, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, c'est... Ouais, on va mentionner, j'ai mis ce livre là-dessus. Ok, d'accord. Après, le chef, il dit... Ouais. Après, le chef, il dit... فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا... Après l'Aban, Inch'Allah, on continue. Allah, Akbar, Allah, Akbar. Allah, Akbar. Yeah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وعلى آله وصحبه. Donc, ensuite, Allah s.a. dit, le Cheikh il mentionne cette ayah, il dit, « فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ » Donc, ça veut dire, s'ils ne vous répondent pas, quand vous les avez appelés à l'islam ou à quelque chose de bien, alors sachez que c'est seulement parce qu'ils suivent leurs désirs, ils suivent leurs passions, leurs désirs. C'est seulement pour ça qu'ils refusent de vous croire ou de suivre qu'est-ce que vous leur dites. Souvent les gens, on les appelle à la vérité et puis ils refusent de nous croire, on se demande pourquoi. Des fois on essaie de comprendre par une façon logique, mais des fois il n'y a pas d'explication logique à pourquoi quelqu'un refuse de suivre la vérité. Et c'est ça des fois qui nous trouble, parce que tu vois une personne par exemple qui se prosterne à une statue ou à une vache, et puis tu essaies de lui dire « ton Dieu c'est lui, c'est le Créateur, c'est pas cette vache, ne doit pas l'adorer parce qu'elle n'a aucun pouvoir, elle n'a pas créé rien dans l'univers », et puis il refuse de l'accepter. Et puis tu te demandes « mais pourquoi la raison logique ?» Eh bien c'est parce qu'en fait il suit ses passions, il refuse de suivre la vérité, il suit ses passions. Et Allah il dit ensuite, et qui d'autre est plus égaré que la personne qui suit ses passions sans aucune guidance venant d'Allah. Après, le cheikh il mentionne Abdullah ibn Umar qui dit, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به في حديث rapporté par Ibn Umar رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, c'est attribué au prophète, a dit, vous n'êtes pas croyant, aucun de vous n'est croyant jusqu'à ce que ses passions soient en accord avec ce que j'ai amené. Et Ibn Rajab Al-Hanbali l'a expliqué dans son livre Jami al-Ulum al-Hikam que ce hadith-là il n'est pas authentique, sauf que sa signification est authentique parce que il y a beaucoup de versets dans le Coran qui expliquent la même signification, et on en a mentionné plusieurs déjà. Et Ibn Rajab il explique et il dit معنى الحديث, la signification de ce hadith, أن الإنسان لا يكون مؤمنا كاملا الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه، وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله وأحب ما كره الله. كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Donc le Cheikh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah il dit, la signification de ce hadith, ça veut dire que l'être humain, il n'est pas un croyant qui avec une croyance parfaite et obligatoire jusqu'à ce qu'il ait aimé et suivi ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit ses ordres ou ses interdictions et autres. Et il dit, il doit aimer ce qu'il a ordonné, et il doit détester ce qu'il a interdit. Comme cela est rapporté dans le Coran, d'une signification semblable, dans plusieurs endroits dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé, et il a critiqué, celui qui a détesté ce qu'Allah aime, ou qui a aimé ce qu'Allah déteste, comme par exemple dans une surah dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله, c'est parce qu'ils ont suivi ce qui a amené la colère d'Allah, وكرهوا رضوانه, et ils ont détesté ce qui amène sa satisfaction, فأحبط أعمالهم, alors Allah subhanahu wa ta'ala a rendu leurs actions nulles, vaines. Et il y a beaucoup d'autres versets comme ça dans le Coran. Par exemple, il dit « وَحَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Il dit à propos des Sahaba que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait le bien aimable à leur cœur et il a rendu détestable pour eux al-kufr, la mécréance, al-fusuq, les péchés, wal-asyan et les désobéissances. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets il mentionne ça et après il dit il a un qal wa qad wasafa al-mushrikin bi-ittiba' al-hawa في مواضع من كتابه فقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Donc il mentionne le Cheikh Ibn Rajab, il continue, il dit et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les mushrikin comme étant ceux qui suivent leur passion dans beaucoup de versets dans le Coran. Et il a mentionné encore le verset qu'on vient juste de mentionner plus tôt. S'ils ne vous répondent pas, et s'ils ne te répondent pas, Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais s'ils ne te répondent pas, alors sache que c'est des gens qui suivent uniquement leur passion, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance venant d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après le chef, il dit, وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. انتهى كلامه. فسي la fin de la citation de l'imam Ibn Rajab. Il dit, et de la même façon aussi, les innovations, ok, dans la religion, elles viennent du fait qu'on place nos désirs par devant la charia. Même les bid'ah, ça vient de ce fait-là. Et aussi, c'est pour ça qu'on a appelé les gens qui font des bid'ah, les ulama, ils les appellent comment? Ahlul ahwa, les gens des passions, les gens des désirs. Ahlul bid'ah, on les appelle aussi ahlul ahwa. Et il dit la même façon que les péchés aussi, elles viennent du fait qu'on a placé notre passion devant ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont aimé. Et on a placé l'amour de ce qu'Allah aime on a placé l'amour de ce qu'on aime nous-mêmes devant l'amour de ce qu'Allah aime. D'accord? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc il dit, notre amour, l'amour du croyant, elle doit être en accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et donc il dit, c'est obligatoire aux croyants d'aimer ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aime parmi les anges, les messagers et les prophètes et les siddiqin, yani les gens qui sont véridiques, les martyrs et aussi les gens pieux yani en général. Donc on doit aimer ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aime et on doit détester ceux que Allah déteste. Maintenant, avant de terminer ça, je voulais juste mentionner un point avant de terminer parce qu'on a parlé de Ashirk fi ta'a et on a mentionné le fait que celui qui jugeait par autre que la charia d'Allah, yani, il était, et qu'il il mettait cette loi qui est faite par les êtres humains, il la met au-dessus de la loi d'Allah, alors il est en dehors de l'islam, tout ça. Et puis ça peut amener à certaines confusions parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, bon, dans ce cas-là, si c'est ça le fait, alors les dirigeants aussi qui sont dans nos pays actuellement, bon, et tout ce qui se passe actuellement dans nos pays sont, alors on doit aussi dire que ces gens-là non plus sont pas musulmans. Et donc, à cause de ça, il y a certaines explications à rajouter à ce sujet. Et, par exemple, j'ai ramené un livre écrit par le même cheikh que celui qui a écrit Al-Irshad, Cheikh Al-Fawzan, et dans ce livre-là, il a parlé de ce sujet. J'ai noté plusieurs, wa alaykum salam wa rahmatullah, j'ai mentionné plusieurs points. Par exemple, le cheikh il dit « يلاحظوا على من » Attends. نعم. « يلاحظوا على من يطلق لفظ الجاهلية على المجتمع على المجتمعات الإسلامية أنه يريد به تكفير تلك المجتمعات وبالتالي الخروج. » C'est-à-dire, on a remarqué que certaines personnes qui ont ils ont décrit certaines sociétés musulmanes, ils les ont décrits par le terme al-jahiliya. Ils les ont notés comme étant des sociétés d'ignorance. Alors, il dit que la personne qui pose la question, il dit beaucoup d'entre eux, quand ils décrivent les sociétés musulmanes comme étant ignorantes, ils veulent de ce fait-là les déclarer comme étant des sociétés non musulmanes, mécréantes, et ils prennent ça comme un moyen pour se donner le droit de prendre les armes et d'essayer d'attaquer puis prendre le pouvoir par la force. Alors le cheikh il dit « Laysa min haqqi kulli ahad an yatluqa al-takfir ou an yatakallam bil-takfir ala al-mujtama'at أو على الأفراد التكفير له ضوابط فمن يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يحكم بكفره ونواقض الإسلام معروفة أعظمها الشرك بالله عز وجل وادعاء علم الغيب والحكم بغير ما أنزل الله قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فالتكفير خطير ولا يجوز لكل أحد أن يفتوه به في حق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في حق غيره إنما هذا من صلاحيات الحاكم الشرعي ومن صلاحيات أهل العلم الراسخين في العلم الذين يعرفون الإسلام ويعرفون نواقض الإسلام ويعرفون الأحوال ويدرسون واقع الناس والمجتمعات فهم أهل الحكم بالتكفير وغيره أما الجهال وأما أفراد الناس وأنصاف المتعلمين فهؤلاء ليس من حقهم إطلاق التكفير على الأشخاص أو على الجماعات أو على الدول لأنهم غير مؤهلين لهذا الحكم. Donc le cheikh il dit, pour répondre à ça, il dit, ce n'est pas toute personne qui a le droit de déclarer ou de dire qu'une autre personne est kafir ou mécréant, ou de parler à ce sujet de takfir. Que ce soit de déclarer un groupe ou une personne individuelle comme étant un non-croyant. Parce que le takfir, il a des règles, il a des principes clairs. Et celui qui fait, qui commet un des choses qui vient annuler l'islam de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui vient en désaccord avec les fondements de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alors celui-là, il est déclaré kafir ou mécréant. Et les choses qui contredisent l'islam, qui annulent l'islam, elles sont bien connues. Et parmi ces choses-là, on compte al-shirk billah, c'est-à-dire de faire associer quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ou de prétendre connaître la connaissance de l'invisible, de connaître quelque chose à propos de al-ghayb, ou de juger par quelque chose autre que la charia d'Allah comme on en a parlé. Et il a mentionné le verset, celui qui juge par quelque chose autre, celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé, alors ceux-là sont les al-kafirun, les mécréants. Donc le cheikh il dit, donc al-takfir c'est une chose qui est dangereuse. De déclarer quelqu'un de non-musulman, c'est quelque chose de très dangereux. Et il n'est pas permis à toute personne de déclarer une autre personne mécréant. On n'a pas le droit de déclarer une autre personne mécréant. Et ça, c'est uniquement réservé à des personnes, comme par exemple les dirigeants qui dirigent légalement, ou qui sont les dirigeants officiels d'un pays qui applique la charia, ou des savants qui sont bien établis dans la science islamique, et qui connaissent l'islam, et qui connaissent bien les chose qui annule l'islam de quelqu'un. Et ils connaissent les états et les situations des personnes, et ils étudient aussi comment les situations qui se produisent dans le monde et les sociétés. Alors ces gens-là, c'est eux qui ont le droit d'établir ou de déterminer si en ici quelqu'un est un kafir ou non. Mais en ce qui concerne les personnes ignorantes, eh ben eux, ils n'ont pas le droit de commencer à essayer de distinguer ou de juger sur les personnes. Est-ce que lui, il est mécréant, est-ce que lui, il est croyant, ou etc. Parmi les gens qui sont, par exemple, éduqués, souvent, on trouve ça, des gens qui veulent essayer de déclarer d'autres comme étant en dehors de l'islam ou des choses comme ça. Et ça, ça crée beaucoup de fitna, beaucoup de désordre dans la société. Donc, le chef, il dit, ça fait pas partie de leur, donc c'est ça. Et il dit que, Yannis, c'est un des, droits des ulama de faire ça. On va continuer après, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله اكبر الله اكبر.